Une miette de gens. Une miette de gens. Une miette de gens. Et beaucoup d'histoires. Une miette de vin et beaucoup d'histoires. Épisode 11. Les mariniers me voient vieillir. Je vois vieillir les mariniers. On joue au jeu des imbéciles où l'immobile est le plus vieux. Dans mon métier, même en été, faut voyager les yeux fermés. Ce n'est pas rien d'être éclusier. Et si l'espace d'un instant, fermant les yeux, nous aussi nous voyagions. Direction l'Égypte, le Nil, les temps anciens. Partons à la rencontre de Sétos, fils de batelier, né sur la barque de son père. L'embarcation transporte pierres de granit, jarres d'huile et blé. Deux bœufs, un peu pâteaux, aident la barque à progresser. Les bovins la tirent depuis la berge, soufflent sous l'effort et le soleil. La vie s'étire et s'effiloche au rythme des clapotis de l'eau contre la coque. Ennui, pense Sétos. Lassitude, soupire-t-il. Monotonie, transpire-t-il. Jusqu'au jour où son père dépose entre ses bras une petite bête au corps velu, un lionceau abandonné par sa mère. Sétos l'appelle Aken et en devient son protecteur. Au fil des jours, il crée des liens, s'apprivoisent, deviennent uniques l'un pour l'autre. Mais Aken grandit vite, trop vite. Il devient fort, puissant, et le naturel revient au galop. Il chasse. Tout d'abord des oiseaux et des petits animaux. Puis ses proies grandissent. Il attaque les chiens des villages où la famille passe. Un jour, il a même égorgé un âne. C'en est trop pour le père de Sétos. La décision est prise. Pour la sécurité de tous, il sera tué. Sétos ne peut se résigner à ce qu'Aken meure. Il demande à son père de le laisser lui dire au revoir comme il se doit. Il profite de cet instant d'intimité avec le félin pour lui dire « Aken, tu es en danger ici. Fuis, comprends-tu? Va-t'en, mon père t'aime, mais si tu restes, il aura des ennuis. Va-t'en, je t'en prie !» Aken aperçut probablement le danger et l'inquiétude dans la voix de Sétos. Alors il part. Dans la nuit, un rugissement et une larme qui coule sur la joue de Sétos. Qui peut faire de la voix sans vent? Qui peut ramer son rame? Et qui peut quitter son ami sans verser une larme? Je peux faire de la voix sans vent. Je peux ramer sans rame, mais ne peux quitter mon ami sans verser une larme. Les périodes de sécheresse et de crue se succèdent. Sétos grandit, devient fort, et maintenant aide son père. Mykérinos, alors pharaon, décide de prélever un impôt pour participer à la construction de sa pyramide. À l'époque, l'argent tel que nous le connaissons n'existe pas. Le peuple paie en nature, en blé, en granit ou en toute autre matière première. Le père de Sétos doit lui aussi payer cet impôt. Une cargaison de granit a livré sous peu. Mais les temps sont difficiles pour lui. Un des vieux bœufs, qui jadis tirait la barque, est mort. Et l'autre n'est plus tout jeune. Lui-même a beaucoup vieilli et ne peut de toute façon pas remplacer la force d'une bête. Sétos l'aide, mais cela ne suffit pas. La barque avance très lentement. Il risque de ne pas arriver à temps avec le précieux chargement. S'il ne respecte pas le délai, le père sera emprisonné. Il décide alors de travailler jour et nuit. Seulement la fatigue et les courbatures ont raison de lui. Le père pleure sur la berge. et il s'écroule d'épuisement lorsque le deuxième bœuf rend l'âme. Cétos, voyant son père pleurer, le rejoint sur la berge et voit le bœuf inerte. Il veut aider son père, prend une corde et commence à tirer, mais le bateau ne bouge pas. Il comprend alors que tout est terminé pour eux. Il s'effondre et joint ses larmes à celles de son père. Autour d'eux, une foule de villageois impuissants s'amasse. Ils ne peuvent les soulager, car eux aussi n'ont pas trop de toutes leurs ressources pour payer l'impôt. Soudain, un rugissement retentit dans la nuit. Les villageois apeurés s'enfuient. Cétos et son père restent seuls sur la berge, priant déjà pour être mangés rapidement. Le fauve bondit sur eux et commence à lécher de sa langue rugueuse le visage de Cétos. Aken! C'est Aken! Crie Cétos à son père. Et les amis d'hier se retrouvent. Cétos lui raconte ses malheurs et Aken semble vouloir le consoler et se frotte contre lui. Brusquement, Cétos se relève. Il a une idée. Il prend l'énorme tête d'Aken entre ses mains et le regarde dans les yeux et lui dit: Tu es fort, Aken. Plus fort que 10 bœufs. Tu pourrais tirer notre barque pendant quelques jours et puis retourner au désert. Sans doute ce n'est pas le métier d'un lion, mais si tu nous tires d'affaire, je serai si heureux. Aken se lève, se dirige vers le bœuf allongé. Cétos lui passe le licol autour du cou. La barque avance. Le délai sera respecté. Le père sauvé. Que devient Cétos? Que devient Aken? Ces questions, je les jette à l'eau. Et peut-être qu'un jour, les flots nous répondront.